reine de poète, mon orpheline, je t'ai vu rose, je m'en souviens, sous les brumes mousselines des ponts d'œil anciens. Rose des mille baisers qui chagrinent toutes les seules accordées à mes mains, sous les brumes mousselines, voile de nos liens. Roger, Roger, mon baiser te devine, moi de brise, des grands chemins. Shut